Chapitre 11e, les billets faux. Peu après, Martin Huma me disait « En attendant, mon cher ami, une nouvelle affaire se présente qui me paraît tout autant, sinon plus intéressante. Laquelle ? Depuis quelque temps, la Banque de France, le Crédit Bordelais et les autres établissements se plaignent de voir affluer à leur guichet une quantité de billets de banque faux. On vous a chargé de découvrir les faussaires ? Dame, oui. On se figure donc que vous n'êtes pas assez chargé. De cela, on n'a pas à se préoccuper. On veut seulement que je justifie amplement ce titre dont vous et vos confrères m'avez affublé. Roi des détectives, toute couronne, quelle qu'elle soit, est lourde au front qui la porte. » Martin Huma me mit rapidement au courant de cette nouvelle affaire. Il s'était passé un fait assez bizarre au sujet de ces faux. Au guichet du Crédit Bordelais se présenta un client de la banque. Ce client était connu depuis longtemps. On le considérait comme un parfait honnête homme dont la loyauté ne pouvait en aucune façon être mise en doute. Or, ce client, pour effectuer un paiement quelconque, présenta un billet de 500 francs. Le caissier prit le billet, l'examina attentivement, puis refusa de l'accepter. « Ce billet est faux, » dit-il. Le client se récria vivement. « Voyons, c'est impossible, ce billet ne peut pas être faux. » Et il déclara sérieusement, « Il vient de chez vous. » « De chez nous ?» demanda le caissier. « Comment ce billet, qui est absolument faux, peut-il venir de chez nous ?» Le client répondit, « C'est Éloi Vidal qui me l'a remis. » Le caissier sursauta. « Comment, Éloi Vidal ? » s'écria-t-il. « Vous devez vous tromper. Nullement, je suis sûr du fait. Mais vous savez qu'Éloi Vidal a disparu depuis plusieurs semaines. Par conséquent, il n'a pu... Je le sais. Mais je suis certain que c'est ce malheureux garçon de recette qui m'a remis ce billet le jour même de sa disparition. Le jour même. Parfaitement. » Le caissier, alors, devant les déclarations de ce client, alla prier M. Defel, son chef, de bien vouloir lui-même plus longuement questionner le client et tirer au clair cette singulière affaire. M. Defel fit entrer le client dans son cabinet et lui posa de nouvelles questions. Le client répondit que le jour même de la disparition du garçon de recette, Éloi Vidal était passé chez lui. Il lui présenta un effet de 500 francs. Le client paya avec un billet de banque de 1000 francs. Éloi Vidal lui rendit 500 francs en un billet. « C'est ce billet, monsieur, » déclara le client, « c'est ce billet que j'ai rangé dans ma caisse. Je ne puis me tromper. C'est bien ce billet que je présente aujourd'hui à votre guichet, et c'est ce billet remis par votre encaisseur qu'on me refuse. » « Ce billet est faux, en effet, » déclara M. Defel. Le caissier a donc parfaitement raison de ne pas vouloir l'accepter. « Cependant, puisque je vous donne ma parole d'honneur que c'est Éloi Vidal qui me l'a remis, nous ne doutons pas de votre parole. » J'ai eu, moi, toute confiance dans votre employé, dans cet homme qui, depuis de longues années, venait chez moi, que je connaissais bien, que j'estimais, que je croyais un honnête homme. » M. Defel interrompit le client. « Nous ne pouvons encore porter aucun jugement mauvais sur ce malheureux. Nous ne connaissons pas le sort qui lui a été réservé. » « D'accord. Mais moi, je suis volé par un employé du Crédit Bordelais. 500 francs m'ont été donnés en billets faux, par un homme portant l'uniforme de votre maison. Pardon, monsieur. » Il est impossible qu'un de nos employés commette une mauvaise action pareille. Si Éloi Vidal vous a donné ce billet faux, c'est que lui-même le tenait pour vrai. C'est probable. Dans ce cas, le Crédit Bordelais tient ce billet pour vrai. Et il l'acceptera comme valant réellement 500 francs. Vous pouvez maintenant passer à la caisse. Je garde ici ce billet. Et vais vous délivrer un bon de caisse valant 500 francs, avec lequel vous pourrez, dans nos bureaux, effectuer les diverses opérations qui vous amènent chez nous. L'affaire s'arrangea de la sorte. Plusieurs autres clients vinrent aussi se plaindre d'Éloi Vidal, en qui, comme celui-ci, ils avaient toute confiance et qui leur avait, ce jour-là, remis des billets faux fort bien imités. Martin Huma fut appelé chez le directeur du Crédit Bordelais pour cette singulière affaire qui se corsait de jour en jour et prenait des allures nouvelles. Fort heureusement, les caissiers, sous l'inspiration de M. Defel, avait pris l'adresse non seulement du premier client qui présenta un billet faux, mais de tous ceux qui, après lui, se montrèrent lésés de la même façon. Martin Huma se rendit chez chacun d'eux. Il fit une nouvelle enquête, et cette enquête lui apprit que les gens chez qui cet Éloi Vidal avait laissé des faux billets n'avaient reçu sa visite que très tard, presque à l'heure où le garçon de recette devait rentrer. « Donc, dit Martin Numa, en concluant son rapport verbal dans le bureau du directeur du Crédit Bordelais, donc, ces faux ont été laissés chez les clients lorsque les tickets de couleur des clients devant se présenter à la caisse des lois Vidal, le soir, ne portaient plus la grosse signature des lois Vidal, tracée avec un gros crayon. Mais les billets faux ont été mis en circulation quand les tickets portaient la signature des lois Vidal, fort ressemblante d'ailleurs, au premier coup, et tracée avec un crayon dur. C'est-à-dire, fit-on avec anxiété, c'est-à-dire à l'heure que, dès le premier jour, je vous ai donné comme étant celle de la disparition, encore inexpliquée, du garçon de recette et loi Vidal. » La déduction que Martin Numa tirait de ce fait voulait par conséquent qu'à cette heure, ou bien Éloi Vidal avait été assassiné, et un autre, avec ses effets, avait continué sa tournée, semant des faux billets, ou bien Éloi Vidal, complice, s'était prêté à cette machination. Le passé d'honneur du vieux serviteur se dressait contre cette seconde hypothèse. Personne encore ne parvenait à y ajouter foi. Mais Martin Numa, plus sceptique, gardait son opinion. « Donc, me dit Martin Numa, en me lançant sur cette affaire des faux monnayeurs, je poursuis encore l'affaire de la disparition des lois Vidal. C'est exact. Et je ne devrais pas être étonné de trouver chez ces fabricants de faux billets le mot de l'énigme angoissante. »